radioscoop.fr. Première saison de l'orgue de Radio France. Au cœur de l'auditorium de la Maison de la Radio, découvrez le fabuleux instrument aux 5000 tuyaux. Le 26 septembre à 20h, premier grand récital. Bach et les maîtres français. Réservation sur maisondelaradio.fr. Ce matin, la technique, il y avait Philippe Duclos et Élise Christophe. Juste après le flash, la bande originale de notre camarade Nagui qui reçoit Gaspard Ulliel et Soko. Il est 11h sur France Inter. Les informations, Dominique Delaroa. C'est le plus gros contrat jamais décroché par l'aéronautique militaire français. L'Inde vient de signer pour l'achat de 36 avions de combat Rafale construits par Dassault Aviation. Un contrat de près de 8 milliards d'euros paraffé à New Delhi par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et son homologue indien. Jean-Yves Le Drian, soulagé après les nombreuses péripéties qui ont marqué les négociations et qui a exprimé sa grande fierté. François Hollande s'est lui aussi félicité de cet accord qui marque, dit-il, la reconnaissance par une grande puissance militaire et stratégique de la performance, de la qualité et de la compétitivité de l'industrie aéronautique française. C'est le résultat d'un travail cohérent entre les pouvoirs publics et les industriels qui portent une nouvelle fois ses fruits, souligne le président de la République. Et un autre gros contrat, celui que vient de remporter Suez Environnement pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle usine de dessalement au Mexique. Un contrat de 389 millions d'euros. Les travaux doivent débuter l'an prochain. Nouvelle nuit de manifestation à Charlotte, aux États-Unis. Malgré le couvre-feu, des centaines de personnes sont à nouveau descendues dans les rues pour dénoncer l'homicide d'un noir par un policier, mais l'atmosphère était nettement plus calme que les nuits précédentes. À Moscou, 8 pompiers ont trouvé la mort après avoir participé au sauvetage d'une centaine d'ouvriers dans l'incendie d'un entrepôt. Ils combattaient les flammes sur le toit de l'immeuble quand celui-ci s'est effondré. Jean-Marc Morandini va être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen. L'animateur est soupçonné de corruption de mineurs. Des plaintes ont été déposées par deux jeunes hommes mineurs à l'époque des faits. Hier, Jean-Marc Morandini a été confronté à ses accusateurs. Il a contesté les faits reprochés. L'animateur est accusé d'avoir fait des propositions sexuelles, notamment par SMS à l'un, et d'avoir invité l'autre à poser nu pour une séance de photos dans le cadre d'un casting. Falsification d'ordonnance et fausse facturation. Une pharmacienne lyonnaise de 46 ans est soupçonnée d'avoir escroqué l'assurance maladie pour plus de 2 millions d'euros. Les policiers ont déjà saisi 1,3 million sur ses comptes. Elle doit être présentée au parquet dans la journée. Son ex-mari lui a été interpellé hier. Elle est soupçonnée d'avoir bénéficié de fausses facturations pour des médicaments qui ne lui étaient pas destinés. Une collision entre deux bateaux cette nuit au large d'hier dans le Var. Deux hommes jeunes sont portés disparus. Il y avait 5 personnes à bord d'un Zodiac au mouillage. Lorsque l'embarcation a été percutée par un autre bateau, les recherches entreprises dès cette nuit se poursuivent. Tous les samedis sur France Inter, RTS La Première, à partir de 15h, RTBF La Première, la librairie francophone, Radio-Canada Première, Emmanuel Kérad. Ce week-end, une découverte belge sublime. Jean-Marc Sessy publie son premier roman chez Gallimard, un conte inspiré par les haïkus japonais. Nous parlerons des religions dans l'humour avec Florence Sestac et Jean Tellet. Et puis nous serons avec la franco-libanaise Vénus Corrigata qui raconte les derniers jours du poète russe Ossip Mandelstam. La librairie francophone, demain sur France Inter, à partir de 15h. France Inter, on aime, on aime. On vous en parle. Les Conquêtes, le premier album de Radio Elvis. Hola, hola, c'est Radio Elvis. Tout doux, tout doux. La plupart de nos chansons ont été construites sur scène et enregistrées après plus d'une centaine de dates. Et les mois sont passés. C'est un album rock parsemé de grands espaces. De voyages et de quêtes intérieures. Dans la langue de Molière, mais surtout de Bachung. Immobile en surface, voyage au bout du monde. Radio Elvis, en concert le 8 novembre à La Cigale à Paris et en tournée dans toute la France. Retrouvez-nous dans la programmation musicale de France Inter et sur franceinter.fr. Il est 11h04, vous écoutez France Inter tout de suite, la bande originale avec Nagui. Merci Dominique Delaroa, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. C'est la bande originale, bravo, soyez les bienvenus. Bonjour. Comment ça va, Leïla? Pas mal. Guillaume Auguste. Daniel Morin. Bonjour. Albert Aldou. Bonjour. Et Charles Mac est au clavier. Bonjour. Et nos invités sont Soko et Gaspard Ulliel. Bonjour. Bonjour. Soko est avec nous, Gaspard va venir nous rejoindre. Bonjour Soko, tout va bien ? Ça va super et vous ? Ça va super, super bien pour un vendredi. Moi je suis toujours content le vendredi. Ouais, hein. C'est mon jour préféré. Vous venez nous parler de La Danseuse, le premier long métrage de Stéphanie Di Giusto, on dit ? Di Giusto, pardon. Ah, bah, moi j'étais pas Giusto. Qui sortira mercredi prochain le 28, où vous incarnez Loïc Fuller, qui est une réelle chorégraphe, danseuse en tout cas, chorégraphe, oui aussi. Bah, elle faisait ses chorégraphies, donc oui. Technicienne. Faut dire ça, mais... Technicienne, chimiste, enfin là, toutes les qualités. Femme multimédia de la belle époque. Électricienne. Mais qui a beaucoup souffert. On va en parler dans quelques instants. Justement, je voulais demander au maréchal Ganache s'il sait pourquoi Soko et Gaspard sont là. Maréchal. Affirmatif. Vous allez bien, maréchal? Oui, en pleine forme ce matin. J'ai du mal à caser mon fauteuil, mais c'est bon. Et je tiens à vous redire une fois de plus, mon cher Nagui, ce que je vous avais dit l'autre jour quand nous avons reçu l'immense chorégraphe Caroline Carlson. Vous vous souvenez? Carlson. Oui, en français. Non, on prononce toutes les lettres en français. Bah oui, justement, Carlson. Oui, mais en français, c'est Carlson. O-N, c'est... Ah. Bon, ça... Passons toujours. Je vous disais donc, contrairement à ce que vous pourriez penser... Je ne suis pas du genre à considérer la danse comme un loisir pour Lopette en collant moulburne. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, avant l'émission, je me suis indigné, Nagui, lorsque vous m'avez murmuré hors antenne, je vous cite, si mes fils voulaient faire de la danse, ça serait pire pour moi que s'ils voulaient être coiffeur visagiste, fleuriste ou attaché de presse. J'ai jamais dit ça, monsieur. Allez, on verra. Une fois de plus, je vais donc... Vous l'avez dit, quand même. Jamais, maréchal. Vous êtes vraiment une merde. Attention, Nagui, je suis en CD ici. Un coup de téléphone. À qui ? Ah ben, à votre président. Mathieu. J'ai oublié son Monsieur Galette. Monsieur Galette. Et non, Galet. Galette, on prononce toutes les lettres. Alors, à propos de la danse. Taisez-vous ! Laissez-moi continuer. Une fois de plus, je vais donc vous surprendre, mais contrairement aux apparences, Loïc Fuller, incarné avec brio par Mademoiselle Soko, ici présente, Loïc Fuller et moi-même... Il a bien prononcé toutes les lettres de mon nom. Voilà, là c'est facile, et je vous félicite, un nom français. Ouais, enfin, nous avons beaucoup de points communs. C'était une artiste d'avant-garde, et me trouver en avant-garde, moi aussi, ça a toujours été ma spécialité, notamment dans la jungle du Tonkin. Oh, Tonkin. Oui, on n'a pas le temps, Maréchal. Mais j'ai bien compris que ce film ne met pas tant l'accent sur le côté avant-gardiste de Loïc Fuller, pionnière de la danse moderne, que sur le fait que cette bricoleuse géniale n'était pas vraiment une danseuse. Et qu'elle fut évincée par sa rivale, Isadora Duncan, qui elle... Duncan. D'accord, français. Ne me cherchez pas, monsieur Nagui. Isadora Duncan. Voilà. Isadora Duncan ou Duncan, enfin... Duncan ou de l'autre, c'est pareil pour vous. Duncan, comme Lidcan. Qui, elle, était une vraie danseuse. Serpent diabolique, boule de vis que l'œil couva en son sein, puisque Isadora faisait partie de sa compagnie. Et voyez-vous, monsieur Nagui, cela me rappelle une rivalité que j'ai jadis connue. C'était en 1953, à Saigon. À l'époque, j'étais marié avec ma première épouse, Marie-Louise, que j'avais rencontrée à La Châtre, lors d'un passage d'un cirque où elle se produisait comme contorsionniste. Ce qui lui valut d'être surnommée la contorsionniste de La Châtre. Ne riez pas. Tout comme Loïc Fuller... Heureusement qu'ils vont prononcer toutes les lettres. Tout comme Loïc Fuller, Marie-Louise avait inventé un système de miroirs sophistiqué. C'est vrai. Ce dispositif, marié à des jeux d'éclairage savamment étudiés, démultipliait son corps à l'infini. Et quand je la regardais au plafond, on a un bé dans sa nuisette de tulle qui ne cachait rien de sa culotte de cheval. Oh. Croyez-moi, monsieur Nagui, impossible de ne pas avoir envie de monter à la sauce à Brocler. Si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement. Ah, c'était autre chose que Loïc Fuller. Et pourtant, un soir, cette apothéose des voluptés de l'amour fut dynamitée par l'éruption dans ma vie de la vedette de la fumerie d'opium de Madame Gang Bang Phoc, la femme du général Viet Minh. J'étais en train de me faire boire une pipe quand sur la scène s'élança Ding Ding Ding Ding Ding Ding, qui était alors à Saigon la reine incontestée du tassel dance, qui consiste, comme vous le savez, Nagui, en termes plus techniques, la rotation inverse de chaque mamelle. Vous voyez, en vocabulaire technique, militaire, nibar, au mépris de toutes les lois de la pesanteur. Autre chose que les arabesques et les entrechats d'Isadora Ding Kong, alias Lily Rose Depp dans le film. Bref, je quittais Marie-Louise pour Ding Ding Ding Ding Ding Ding, dont je m'aperçus le soir même qu'il s'agissait d'une créature dont le haut n'était pas en équation avec le bas. Bref, que c'était un garçon. D'où mon absence de préjugés en ce qui concerne la danse, qui n'est pas, monsieur Nagui, comme vous le disiez tout à l'heure, hors antenne, que c'est un art réservé aux admirateurs de Sheila et de Sylvie Vartan. Voilà. Salut. Merci, Marie-Jean. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Alors parlons de cette danseuse, la danseuse que vous incarnez, Soko, Loï Fuller, qui a réellement existé. Ce film sortira le 28 septembre. À l'affiche, il y a Gaspard Huliel, Mélanie Thierry, Lily Rose Depp, François Damiens, Louis Do de Langsin, Amanda Plumer et Denis Ménochet. Si j'ai précisé la réalisatrice tout à l'heure, c'est d'autant plus important que c'est son premier long métrage, Stéphanie Di Giusto. Alors comment vous êtes retrouvée d'abord dans ce projet ? Vous êtes chanteuse, vous êtes une créatrice, vous êtes une actrice, pas spécialement danseuse, même si vous bougez extrêmement bien dans le film. Comment vous êtes retrouvée sur le projet ? En fait, ça fait très longtemps que je connais Stéphanie. Di Giusto, on s'est rencontrés sur un plateau où elle prenait beaucoup de photos de moi. Et puis, on s'est super bien entendus. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait envie de passer à la réalisation. Du coup, en fait, j'aimais tellement déjà tout ce qu'elle faisait. J'avais vu toutes ses vidéos. Enfin, j'aimais tout son univers. Et surtout... on avait les mêmes goûts d'un point de vue artistique et on parlait un peu le même langage. Donc c'était facile de dire oui sans savoir vers quoi j'allais. Et puis en fait, j'ai eu de la chance. Parce que qu'elle m'a parlé de Loï, j'ai tout de suite En termes de langage, on est servi. Que ce soit le grain du film, que ce soit le corps de ces danseuses, que ce soit l'expression d'ailleurs qu'elles font de leur art, il y a beaucoup de langage. Mais c'est vrai que l'image, et là c'est pas pour plaisanter ni pour vanner, est magnifique. Ouais. Formidable. L'image qu'on doit à Benoît Deby, que j'adore. Qui est un très bon... Oui, qui est le chef opérateur de Gaspard Noé, entre autres, et Harmony Corinne, et qui est un génie. Alors revenons à Loï Fuller. Elle a réellement existé. Ça commence d'ailleurs, on a l'impression qu'on est dans un western au début. Ouais. Vous allez faire des jalouses parce qu'il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes et d'actrices qui viennent dans cette émission en nous disant j'aimerais bien tourner dans un western. C'est la dernière mode. Tout le monde veut faire des westerns. Bah ouais, sauf que mais tu sais quoi, en fait, hier, je triais mes photos dans mon téléphone parce que mon téléphone était plein et j'ai revu les photos de mon entraînement. Je suis allée m'entraîner en Camargue et j'ai fait un entraînement où. Au lasso. Au lasso. J'ai fait du cheval, j'ai appris à attacher les pattes d'un petit veau. Ouais. Vous avez appris à être traîné aussi par des cow-boys qui vous attrapent au lasso. Ouais. Ça, c'est l'une des premières scènes du film. C'est ça. Et en fait, Loï Fuller, rien ne la prédestine à être une danseuse de spectacle, de cabaret. Mais elle se dit même pas danseuse, en fait. Elle, ses grands rêves d'enfant, c'était d'être une actrice. Et puis, ça a pas du tout marché. C'est un peu comme moi, en fait. Moi, je voulais être actrice depuis que j'ai 5 ans. Et puis, comme ça marchait pas, j'ai commencé à faire de la musique à 20. Et elle, c'est pareil. Tu as vu la rapidité. On parle de Soko chanteuse, bing, on a Soko chanteuse. C'est beau. Voilà, merci. C'est vous. Ah, c'est France Inter. Ça donne ça. Wow. Budget, les gars. Et là, on est. Ça, on peut le dire, budget. On est dans les cabarets parisiens. On est à la belle époque. Folies Bergère. Voilà, aux Folies Bergère. Et justement, on se retrouve avec cette fille qui quitte les États-Unis. Tout est vrai, là, pour l'instant. Elle quitte les États-Unis parce qu'elle a le sentiment de se faire piquer sa place de danseuse. Elle crée, en fait, une danse avec des voiles, avec des draps de plusieurs mètres. Il y a quoi ? Il y a 300... 150 mètres de soie. Budget. C'est super lourd. C'est super lourd. Et là, c'est ce qui a coûté plus cher dans le film. Ah bon, c'est... la soie et les coups de bambou. Donc vous retrouvez à créer. Enfin, Loï Fuller se retrouve à créer cette danse. Il faut simplement dire l'arrivée de Gaspard Huliel en temps et en heure. Bonjour et merci. Bonjour. Désolé de ce micro. Petit retard. Tout va bien. On sait que vous avez beaucoup d'occupations. C'est le problème quand il y a beaucoup de films qui sortent en même temps. Il faut tout présenter en même temps. C'est infernal. Vous êtes d'une beauté insolente, Gaspard. Oh, je vous en prie. Non, mais si. Merci. Je sais pas, moi je m'en rends pas compte, c'est pas du tout mon genre, je déteste les mecs beaux, donc tu vois, il y a un moment où ça m'énerve. Le mec pas objectif. Ça va, Nagui. Et donc, Gaspard incarne un comte, un aristocrate blindé à qui vous piquez de l'argent pour traverser les océans. Pas moi, Loï, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et votre personnage est une espèce quoi, de mécène, de dragueur, de drogué. Un peu de tout ça. Maintenant, ce serait un producteur télé. Voilà, aujourd'hui c'est ça exactement. Non, oui, il y a cet aspect mécène, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est Moi, je l'ai un peu vu comme un personnage de cette époque, c'est-à-dire inspiré directement de la littérature fin de siècle. Donc, c'est sorte un peu de, dandy. Voilà, dandy, ouais. Décadent, un peu fin de race. Qui se termine à l'éther voilà, régulièrement qui dans son qui mouchoir. Qui respire la vie à shoot. Travers deux vapeurs d'éther et qui est, pour moi, à la permanence, en permanence à la recherche du rare. Et c'est ce qu'il va trouver en cette femme et dans son art qui est totalement inédit. C'est l'esprit de l'époque en plus, ouais, la voilà. Recherche du rare, ouais. Huysmans. C'est ça, exactement, ouais, ouais, à rebours de Huysmans, ouais. Le personnage, je m'en suis largement ça, inspiré. C'est ça. C'est ça, ouais. Alors, il y a une vraie création et une vraie découverte pour moi dans cette. Est-ce qu'elle est vraiment à l'initiation de la danse moderne, en tout cas le mélange de spectacle, de la manière de se servir de son corps, des lumières. Quand tout à l'heure je disais qu'à la fois c'est une technicienne, une chimiste, une physicienne, elle va étudier par ses croquis les projections, les miroirs, la lumière, jusqu'à se cramer les yeux, mmh. Jusqu'à se en fait, fatiguer. Elle a fini aveugle tellement elle était à fond dans tout ce truc de dans lumière. Les elle s'est spéciaux. tellement mmh. exposée. Mmh. Que oui, elle s'est cramée les yeux. Ouais. Alors, vous êtes, Soko, dans ce film, la vraie Loïc Fuller, je veux dire. Vous ne vous êtes pas prêté au jeu du doublage. Il n'y a pas une danseuse qui vient faire les chorégraphies à votre place ou les mouvements. Non, c'est en vous fait, qui les avez fait. Ben, quand Stéphanie m'a proposé le rôle, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle sait que je fais les choses à fond et que je me perds complètement dans ce que je fais. Donc, il était hors de question que je sois doublée. Et je pense que c'était important pour rendre honneur à un tel personnage, en fait, d'aller au bout de tout ça et puis surtout de ressentir ce que ça fait d'apprendre cette danse et puis de oui, mais c'est une chose de vouloir le faire, c'est une autre de pouvoir le c'est faire. C'est ça. Donc, mais il y a quoi, je pense se, qu'en se fait, muscler. Quand les gens disent que c'est trop dur, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé assez dur. Mmh. À quel point on essaye, on n'y arrive pas. Mais non, mais je pense que vraiment, avec de l'entraînement, on peut le faire. Il essaie tous les jours, il y arrive pas. J'essaie tout. Tous les jours. Il n'arrive jamais à rien, d'ailleurs. Bah alors, j'ai de la chance, parce que moi, à chaque fois que j'essaie un truc et que je mets ma tête dedans, en tout cas, je me dis que je n'ai pas d'autre choix que d'y arriver. Bah, ça marche. En tout cas, la chorégraphie est absolument impressionnante. Il y a notamment sur cette musique... Je connais tellement par cœur. Vivaldi. Et là, vous voyez les... Imaginez 350 mètres de soie enrobée autour de Soko avec deux bâtons de bambou pour rallonger, pour donner une dimension encore plus importante à vos bras. On a l'impression que c'est une fleur sortie ou des ténèbres. Un papillon, c'est ça. Ce qu'on veut bien voir. En fait, elle faisait fantasmer cette femme puisque on pouvait imaginer ce qu'on voulait sur cette robe. Et c'est pour ça qu'elle a été vraiment révolutionnaire à son époque parce que elle devenait un fantasme pour les hommes qui se demandaient qui était cette femme idéale derrière ces voiles qu'ils n'arrivaient pas à voir. Et en fait, quand les gens comme Mallarmé l'a rencontrée, elle avait l'impression d'être très décevante. Elle avait vraiment l'impression que sans sa robe, elle était rien et qu'elle était juste cette petite fermière de l'Ouest américain et qu'elle valait pas la peine. Donc c'est pour ça qu'elle a passé sa vie et a fait de son art... En fait, elle s'est cachée pendant toute sa carrière derrière sa robe. Alors, là, on parle d'un personnage, d'une danseuse qui a réellement existé. Votre personnage, Gaspard Ulliel, vous, a été créé totalement, par Stéphanie ouais. pour permettre quoi, le lien, installer la concurrence avec Isadora Duncan, dont je n'ai pas précisé encore une fois que c'est une petite danseuse qui, elle, va jouer exactement l'inverse. C'est-à-dire, contrairement aux effets de la technique et de la mise en scène et des lumières, elle va jouer, au contraire, avec sa nudité, avec un voile totalement transparent et en disant mais on n'a pas besoin d'effets pour danser, le oui, oui, corps avec, suffit. Avec quelque chose de totalement inné, spontané, elle a une grâce comme ça totalement ouais, c'est l'inverse de l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun artifice. Et c'est peut-être justement ce que l'œil aurait aimé être, c'est un peu voilà, la vision absolue pour elle de. Donc c'est très cruel en fait, hein, l'arrivée de ce personnage dans le film, et c'est aussi pour moi un film sur un artiste et d'un coup ses limites, qui est face à ses limites. Et vous l'avertissez d'ailleurs que c'est sa plus grande ennemie, qu'elle pactise en fait avec sa plus grande ennemie et qu'elle va provoquer sa perte quelque ouais, part. C'est vous un êtes peu un pacte faustien en effet. Ouais. Vous êtes le personnage annonciateur en fait, comme une Cassandre, oui, vous sentez bah, que... Bah, c'est-à-dire Oui, il y a une lucidité dans mon personnage qui fait vraiment défaut à Loï à ce moment-là, et il essaye de la mettre en garde, mais sans réellement intervenir, c'est-à-dire qu'il la laisse d'une certaine façon être libre de son propre destin, de ses propres choix. Ça, c'est l'éther, ça, qui donne de bonnes idées. D'ailleurs, c'est voilà. Les jeunes qui nous écoutent, si vous avez des problèmes de concentration, sniffez l'éther. Ouais, mais alors, mais c'est devenu pas, très compliqué d'en trouver. Hein. Mais ça va pas, mais arrêtez. Je sens qu'il recherche sur le sujet. C'est le gros problème. C'est très dur d'en trouver. Non, c'est vrai. En tout cas, l'histoire a plus reconnu et gardé Isadora Duncan comme étant celle qui a inventé la danse moderne que Loï Fuller. Et ce film rétablit peut-être l'histoire de Loï Fuller. L'histoire est pleine d'injustices. Et pour l'anecdote, la triste anecdote, c'est qu'elles sont enterrées en étant concurrentes et amantes aussi dans le film. Elles sont enterrées pas si loin l'une de l'autre au cimetière du Père-Lachaise. Exactement. C'est ça. Il y a d'ailleurs un petit clin d'œil de mise en scène avec un foulard que Isadora Duncan vous passe autour du cou alors qu'elle vous a demandé de vous mettre nu, et elle retient cet amour que vous êtes prête à lui offrir en mettant un foulard autour du cou, et on sait que malheureusement ce foulard voilà, lui a été fatal. En roulant en décapotable, elle s'est fait... Et l'automobile lui a été très néfaste, Isadora, ouais. Puisque ses deux enfants sont morts dans un accident de voiture. Noyés dans la Seine, comme ça on a mis tout le monde de bonne humeur. Bonne ambiance. Ça me fait penser à Jocaste qui s'est aussi étranglé avec son foulard dans la pièce de Cocteau qui traînait. Je pense à Michael Hutchence aussi. C'est ça, c'est bien. Pièce écrite avant la mort d'Isadora Duncan, ce qui est très troublant. Vous avez les oreilles qui ont sifflé, ma chère Leïla Kadour-Boudadi, lorsque vous avez su que Soko et Gaspard Ulliel étaient nos invités. Et immédiatement, Gaspard Ulliel, je vous revois torse nu dans la moiteur de l'Indochine française, dans un barrage contre le Pacifique. Et vous commencez à entamer une danse sur cette musique. Non. De toute façon, j'aime pas ce mec, moi. C'est un film de Ritipane qui avait adapté le texte de Marguerite Duras en 2009 avec Isabelle Huppert. Je vous revois aussi dans le film de Bonello, Saint-Laurent, où je vois un homme, une maturité différente. Donc voilà, j'ai eu un souvenir ému. Et quand je pense à vous, Soko, je vous revois en tenue militaire, explosive, dans un sas de décompression. C'est un peu moins glamour. Oui, mais d'en voir du pays... Tu t'es rattrapé avec Loï Fuller. Mais ouais. C'est un très beau film d'en voir du pays des Sœurs Coulin. Nous venons d'arriver à Chypre. Alors je vais vous briefer un peu. Au programme de ce sas, sport, relaxation et débriefing collectif. Quoi ? Débrief collectif de quoi, là ? Il s'est passé des événements au cours de ces 6 mois de mission sur lesquels il est peut-être bon de revenir. Un très beau film avec Ariane Labette, toujours en salle. Personnage explosif, comme dans Bye Bye Blondie, ça c'est un peu plus sexy. Soko, vous êtes d'accord, de Virginie Despentes. Un film qui m'a beaucoup marqué. Et enfin, toujours vous, Soko, dans votre panthéon musical figure un groupe extraordinaire et je ne peux que vous aimer pour ça. Gassaf. Tikadikata. Psycho Killer. The Talking Dead. Qu'est-ce que c'est? Talking Heads, oui, pardon. Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? Alors, on connaît bien la dimension musicale de Soko et vous, Gaspard? Un batteur de ça. Talking Heads. Ouais. Surtout ce morceau, il est quand même phénoménal. Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Très bien, très bon esprit, il ne change rien. Nous aurons dans quelques instants l'humeur de Guillermo Guiz. Nous parcourons aussi quelques années comme ça de la carrière de Soko et Gaspard Ulliel avec la musique justement que vous avez eu la gentillesse de nous passer, celle qui fait partie de la bande originale de votre vie. Mais la bande originale de notre matinée, c'est avec Keren Ann et Easy Money. Vous êtes bien dans la bande originale et Gaspard Ulliel et Soko sont nos invités. Money, fast cars. C'était Kerenan avec Easy Money. Voici la drôle d'humeur aussi de Guillermo Guy. Ça sent le fait d'hiver. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Alors, comme... l'enthousiasme. Une demi-heure après. Écoutez, comme tous les vendredis midi, je pensais vous parler des restes de l'actualité. Puisqu'il faut bien que quelqu'un scoltine la fange de l'information. Celle qui tient le cou au fond du caleçon après le troisième lavage au Bonux, entre autres métaphores à haut potentiel d'écœurement matinal. De fait, sans vouloir me pousser du col, mon billet du vendredi est rapidement devenu une sorte de rendez-vous incontournable. C'est vrai. Pour au moins six membres de ma famille. Las, les trois autres. Trois numéros à peine. Ça las, ça. Les autres. La puissance du gars, quoi. Ceux qu'on appellera par pudeur le reste de vos auditeurs semblent rejeter massivement ma présence, même furtive, sur cette antenne. J'en veux pour preuve cette récente vidéo compilant façon medley les chroniques des nouveaux venus de France Inter et sous laquelle l'un des citoyens du Facebookistan avait posté le très laconique mais sans concession ils sont tous nuls. Carrément, ça existe, ouais, ça. Qui avait le mérite d'éviter avec pas mal de panache la tentation de la fioriture. J'ai signé ou pas? Tout en donnant à ma sérotonine ce petit coup de Santiago dans la gueule qui, dans mon cas, fait souvent le jeu des fabricants d'alcool fort. Une saillie d'autant plus indélicate que je me voyais déjà billettiste à vie sur France Inter. Comme... Enfin, peu importe finalement de qui je parle, puisque l'auditeur a tranché, la greffe ne prend pas. L'espace d'un instant, j'ai pensé cliquer sur afficher plus de commentaires sous la vidéo en question. Mais je me suis dit, bon, quitte à me faire du mal, autant me taper un coton-tige dans l'urètre, hein, que je puisse au moins en tirer une chouette anecdote pour un réveillon. Bref, tous les garçons font. Non. Pour au moins une anecdote. Bref, l'expérience des restes de l'actu est un fiasco sans nom. J'ai donc décidé de tenter le tout pour le tout avec un billet de la dernière chance. Léa aimerait bien que tu expliques. Coton-tige. Parce que c'est un urètre. Est-ce que je me suis manifesté? Non, bon, voilà, continuez. Oublie. Tu peux pas. J'ai donc décidé. De là, l'utilité de trouver de l'éther en pharmacie. Merci, Gaspard. J'avais un espoir, Gaspard, que vous soyez un peu avec moi. Pas du tout, je reste avec ce cours. J'ai donc décidé de tenter le tout pour le tout avec un billet de la dernière chance que j'ai écrit ce matin dans le Thalys Bruxelles-Paris, où, pour la petite histoire, il est recommandé aux voyageurs de, je cite, « signaler tout bagage qui nous semblerait suspect ». Une demande à la frontière de l'admirablement con, si vous me permettez d'ouvrir mon cœur. Sachant que dans un train où s'entassent entre 1000 et 1500 bagages qui, sans vouloir froisser la sensibilité de la communauté des bagages, ont quand même vite tendance à avoir la même tronche en tant que bagage, il faudrait vraiment que le terroriste soit vachement, mais alors là, vachement sport. Pour customiser sa valise au Tipex en écrivant « Faites quand même gaffe, il y a une bombe à l'intérieur ». Je dis ça, je dis rien. On peut leur reprocher tant qu'on veut cette espèce de culte de la cachotterie, mais je vois tout aussi mal l'un de ces mecs acheter un billet spécialement pour sa bombe, l'installer à nu sur un siège et dire au voyageur « Écoutez, moi je vais prendre le prochain, vous comprenez ?» Avant de faire un gros bisou à ces explosifs et de se barrer. Alors, au-delà de ça, dans l'hypothèse où un bagage serait incontestablement suspect parce qu'il dégouline d'acide, qu'il fait tic-tac-tic-tac très fort, ou que son propriétaire a laissé des prospectus de l'État islamique sur les bords de table, j'imagine et ou j'espère... Avec les cuissons d'Aige brodées dessus, ouais, c'est ça. J'espère que les voyageurs auront suffisamment l'esprit d'initiative pour en parler avant qu'on les y invite, évidemment. Pourquoi on n'avait rien dit quand vous avez aperçu la bombe? Écoutez... À ce moment-là, personne ne m'avait encore demandé de signaler les bagages suspects. Je viens d'une famille de militaires. Chez moi, la discipline, ça va encore dire quelque chose, monsieur. Oui. Gardez votre sang-froid, maréchal. Cela dit, je me moque, j'ironise, mais dans le Thalys Bruxelles-Paris, les voyageurs ont tout intérêt à être vigilants puisqu'il n'y a aucun contrôle des bagages en amont. Aucun. Aucun. Contrairement au Thalys Paris-Bruxelles, où c'est Guantanamo à la gare du Nord, tapis roulant, rayon X, fouille colon œsophage. Fouille colon œsophage si t'as la chance d'avoir un ancêtre en Afrique. Enfin, je veux dire la totale. En clair, quand tu viens de Bruxelles, c'est open bar. C'est open bar. C'est pas que le terrorisme est conseillé. C'est vrai. C'est pas qu'il est conseillé, mais voilà, il est toléré sous certaines conditions. Alors que dans l'autre sens. Si oui, il faut, ça il suffit, faut, arrêtez de donner des idées. Si il faut, il faut. Honnêtement, on préfère pas, mais si il faut, il faut. Alors la symétrie, elle est vraiment hallucinante. Alors, mais je rassure tout de même. nos auditeurs, on contrôle aussi les passagers qui viennent de Bruxelles, mais à la sortie du train. Ce qui, en termes de prévention de terrorisme dans le train, pue quand même un chouïa le gardien de but qui plonge pour la photo. Si vous voyez ce que je veux dire, j'imagine toujours les flics en train de choper un terroriste à la sortie du train et lui dire « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça n'a pas pris ? Oh, c'est dommage ! Problème de détonateur ou quoi ? Bah oui, c'est 9 chances sur 10, t'as acheté asiatique. C'est con ! Mais non, mais c'est con, parfois c'est mieux de mettre 15 balles en plus. Enfin, bon, tu le sais pour la prochaine fois. Alors, le truc, c'est qu'une fois de sortie du Thalys, tu dois prendre le RER ou pareil, on te demande de signaler les bagages suspects. Comment tu fais pour savoir ce qui est un bagage suspect dans le RER? Il y a 80% des gens qui ont des bagages et 92% des gens qui ont l'air suspects. Tout le monde a l'air au bout du rouleau dans le RER. Signaler ce qui est suspect dans le RER, c'est comme essayer de trouver un dossier propre chez les Balkany. Je veux dire, c'est pas un job à plein temps, c'est un sacerdoce. Enfin bref, je pensais à ça dans le Thalys en écrivant mon alternative au reste de l'actu, mais enfin voilà, j'ai dépassé le temps, donc je vous la ferai la prochaine fois. Allez, merci Guillermo Gouiz. La bande originale. Le film s'appelle La Danseuse, il sort mercredi prochain, le 28 septembre, avec Soko et Gaspard Ugal qui sont nos invités, mais également Mélanie Thierry qui est bouleversante de... On va quoi, elle est un peu votre chaperonne, elle est votre protection, enfin celle de l'œil Fuller. En tout cas, elle est sa compagne de vie avec qui elle va finir sa vie. Elle passe 30 ans de sa vie avec le personnage de Gabrielle. Elle est ouvertement lesbienne, Louis Fuller. Et on sent cet amour poindre. On voit le regard tendre de Mélanie Thierry sur et un peu de jalousie. Et un peu de jalousie quand Isadora Duncan arrive aussi. Ouais. Nécessairement. Ça marche extrêmement bien. Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp, toute la com se fait autour de ça. Si ça permet en tout cas aux gens d'aller voir le film, tant mieux. Elle est doublée par contre pour les scènes de danse. Oui. Parce que c'est. Parce qu'en fait, pour faire le travail d'Isadora Duncan, il faut au moins 15 ans d'entraînement. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'était pas en 2 mois qu'elle allait y arriver. Ce morceau de Beethoven qu'elle impressionne tout le monde à l'opéra. Puisque, encore une fois, ça commence cabaret, ça commence pour attirer un public de poche-tronnée, pour finir extrêmement élégant, que ce soit pour l'œil Fuller ou Isadora Duncan, à l'Opéra de Paris. Mm-hmm. Puisque là est l'enjeu aussi, se retrouver sur la scène la plus mythique en termes de spectacle et de danse. François Damien, s'il est parfait aussi en espèce de... C'est quoi, c'est le patron des Folies Bergères, son rôle, c'est ça ? Mm-hmm. Il veut bien financer, mais pas trop non plus. Puis au final, il a un rôle un peu de papa, quoi, de carrière pendant le film. Ouais, non, mais c'est en tout cas, on est totalement replongé dans une ambiance un peu embrumée et où en même temps tous les artistes sont à vif et où on a envie de découvrir quelque chose de nouveau. C'est une période dans laquelle vous auriez aimé vivre, Soko ? Moi, je suis très bien dans l'époque dans laquelle je suis. J'ai du mal à me projeter dans le futur ou dans le passé. De toute façon, on n'a pas le choix, donc autant être bien avec son temps. Gaspard Huyel, se prélasser dans les vapeurs des terres avec toutes ces danseuses nues autour de vous, vous avez eu du mal à tourner dessus ? Non, pas trop. Non, mais je pense que ça devait être une époque trépidante. Ouais. C'est l'époque d'un grand changement qui s'opère à tous les niveaux. Donc, après, je ne sais pas si au moment où on le vit, on le voit comme ça, si on a le recul nécessaire. Mais aujourd'hui, ça c'est vu vraiment comme une période assez... Oui, c'est particulier. Tout était nouveau, au final. Ouais. On va faire un bond quand même dans le passé, pas si loin, pas aussi loin que la belle époque. Nous allons partir en 2001-2002, où Soko écoutait les Beach Boys. Les Beach Boys, ça faisait partie de votre BO ? Bah ouais, du coup, c'est un peu pour ça que j'habite en Californie aujourd'hui. Pour les Beach Boys. Ah oui. Non, mais enfin, c'est juste une scène musicale que j'aimais beaucoup et puis j'adore la mer. Vous avez joué dans le téléfilm Clara, cet été-là. C'était votre première apparition ? Oui ! Oui ou non ? Oui, c'était votre souvenir heureux. Apparemment, elle veut pas qu'on regarde. Non, c'était non. En quelle année ? Non, tu sais, c'était... 2001. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais bien les filles, parce que dans le film, je devais embrasser une fille et un garçon, et puis en fait, c'est mille fois mieux d'embrasser la fille que le mec qui... Je suis totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord. Ça dépend du mec. Gaspard Huyel, dans ces années-là, 2001-2002, vous écoutez Dr. Dre. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Bon, là, c'est un morceau avec Snoop Dogg, j'espère que ça, je ne me suis pas trop trompé. Non, non, mais moi, de toute façon, c'est tout cet album qui a été pour moi très important. C'est-à-dire que C'est un hip-hop qui devient très très musical, mélodique. C'est même on peut y aller. Je crois qu'ils ont fait une version où il n'y a même plus Dr. Dre qui pose le texte oui, dessus. Oui, il y a un côté enivrant avec ce gimmick là. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, j'étais partagé entre écouter du hip-hop comme mes camarades de classe et en même temps, j'écoutais beaucoup de jazz, qui paraît quand même assez antinomique, non, mais par rapport à l'âge que j'avais, c'était assez surprenant. Enfin, en tout cas, comparé à mes camarades de classe, c'était assez étonnant. Et je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai eu quelques années dans ma vie où je me suis mis à écouter quasiment exclusivement que du jazz et j'ai très rapidement dérivé vers ce qu'on appelle le jazz rock, jazz fusion. Et à tel point que je n'écoutais presque jamais de rock ou de choses comme ça. Et à un moment, j'ai eu un constat comme ça que je me suis dit, mais c'est très bizarre, pourquoi et je me suis ouvert à plein d'autres choses, mais à un moment, j'étais vraiment focalisé. Là-dessus. Quoi. Ouais, ouais. Le bac en poche, vous êtes inscrit en fac de cinéma, vous aviez le but d'être plutôt metteur en scène, réalisateur que comédien. Oui, bah, je dis souvent, en fait, moi, c'est vraiment le cinéma qui est venu à moi totalement par hasard, où on m'a repéré, on m'a proposé de faire des castings. Très, très rapidement, j'ai eu des petits rôles dans des téléfilms. Et je faisais ça avec beaucoup d'entrain, ça m'amusait. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé une vraie passion pour le cinéma, plus que pour le jeu pur. Donc, il y avait cette volonté de participer à la création d'un film. Donc, inévitablement, le poste le plus attrayant pour moi, c'était celui de metteur en scène. Oui. Vous avez décroché un petit rôle en 2001 dans Le Pacte des Loups, aux côtés de Vincent Cassel, que vous retrouvez justement dans le Bonello d'une manière absolument bouleversante. Le Dolan, pardon. Ouais. Je cherchais d'un coup. Non, il était dans Yves Saint-Laurent, peut-être en figuration. Ça va. Mais non, je suis là avec je crois toi. Qu'il y a une veste Saint-Laurent chez lui. Oui, bah je voilà, crois que Vincent Cassel a un costume quelque part planqué. Non, dans le Dolan, on en a parlé. Mais il a fait la pub d'un parfum, Saint-Laurent. Oui. C'est peut-être ça. Merci. T'es un bon. Jamais j'oublierai. Ça, c'est fait. Mais on reparlera tout à l'heure du Dolan. En 2009-2010, Gaspard, écoutez. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream. Van Morrison. Astral Weeks. Alors, la musique est souvent une madeleine. On retrouve, même si évidemment ce titre ne date pas de 2009-2010, mais dans cette période-là, vous entendez cette musique, vous voyez faire quoi ? Vous êtes où ? Bah, c'est pour moi, c'est un album que j'ai écouté en boucle. Et oui, il y a un côté nostalgique. Alors, ça ne me ramène pas à des souvenirs précis, mais il y a quelque chose de profondément enivrant dans cette musique. Et en fait, ce qui me touche, je crois, c'est la fragilité qu'il y a dans cette voix, les erreurs. C'est quelque chose de totalement humain, la manière dont il chante. C'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose qui dégouline comme ça par-dessus les instruments. Et voilà, en fait, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à un moment, je me suis dit, mince, je connais rien au rock. Et j'ai trouvé un article, je crois que c'était dans Télérama, avec les 100 plus beaux albums de rock de tous les temps. Et ça faisait partie, je crois, des 10 premiers. Et donc j'ai acheté sans trop savoir ce que c'était, je connaissais même pas Van Morrison et j'ai eu un coup de foudre pour cet album que j'écoute encore aujourd'hui. Allez, on va l'écouter encore un peu. En 2012, Soko écoute Les Cure. Et en même temps, je crois, c'est la même année, Soko publie. On est d'accord ? Tout ça, c'est la même période. Vous sortez votre premier album. Vous l'avez gardé longtemps, ce premier album, dans votre cœur, dans votre tête ? Moi, je pense que ça prend du temps de savoir ce qu'on veut faire. Et puis quand on crée, c'est une super période que moi j'adore. J'adore être dans ma bulle de création et d'écrire et puis d'enregistrer. Donc j'ai pas envie de laisser les choses se finir trop vite. Vos chansons, elles servent à exprimer ce que vous ressentez ou à communiquer avec les autres et faire passer des messages ? Ah non, mes chansons, c'est complètement que pour moi et c'est très très personnel et je pense même pas que ne serait-ce qu'une personne va les écouter un jour quand j'écris. Je suis complètement... C'est vrai ? Mais c'est pour te libérer de quelque chose, en fait ? Non, c'est plus un truc de... En fait, c'est que comme comme j'ai, je suis très hantée par la mort, j'ai le besoin de mettre toutes mes pensées et tout ce que je ressens, d'en faire quelque chose de concret, de réel, qui pourra vivre plus longtemps que moi. D'accord. Donc oui, c'est juste pour faire comme une photo de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête quand j'écris des chansons. Dans cette période-là, il y a également le tournage dont parlait tout à l'heure Leïla avec Virginie Despentes, Bye Bye Blondie. Vous écoutez de la musique quand vous êtes sur un tournage d'un film? Alors, Bye Bye Blondie, c'était très rock'n'roll, on va dire. Non, mais là, en fait, carrément, Virginie Despentes, donc elle m'a amenée dans un record store et elle m'a acheté tous ses 10 albums préférés de punk, dont L7... je sais plus, je crois des premiers Blondies. Pourquoi? Pour que vous soyez imprégné par cette non musique. Mais en fait c'est quelque chose que j'écoutais déjà, mais elle voulait vraiment que j'écoute sa musique de ses années 80 et de ce qu'elle écoutait quand elle était jeune et de tous ses groupes préférés, et c'était hyper important pour ce film. Après, dans les autres films, moi je fais des playlists différentes pour chaque film pour me mettre vraiment dedans. Dans l'humeur du personnage. Dans l'humeur du personnage. D'accord. Et dans l'humeur du film. Je m'habille plus pareil, je fais plus de musique, j'écris plus et je vis complètement à l'intérieur de mes films et j'arrive même plus à m'habiller normalement. Je suis en pyjama en général. Je sors de chez moi en pyjama quand je fais des films. Vous avez la chance aujourd'hui. Vous avez... En fait, j'ai dormi avec ce t-shirt, tu vois. Vous avez joué dans Augustine, le film d'Alice Vinocourt, tiré d'une histoire vrai, incarner des personnages qui ont existé, c'est encore plus excitant ou au contraire encore plus déstabilisant? J'adore ça, j'adore raconter des histoires vraies, j'adore regarder des films inspirés d'histoires vraies aussi. J'ai l'impression que ça me touche plus. J'adore regarder des documentaires aussi, donc non, Augustine, c'était une histoire de fou. Ça m'a plombé dans ma vraie vie pendant longtemps. Pardon, je savais pas. Je voulais pas remettre des choses. J'ai adoré le faire. C'est juste que comme je jouais le rôle d'une hystérique qui ne peut plus parler et qui ne s'exprime que par son corps, j'étais tellement mutique pendant le film que ça m'a suivie après. J'ai fait une grosse dépression, que j'ai dû prendre des antidépresseurs parce que je n'arrivais plus à communiquer. C'est fou qu'un rôle d'éteigne comme de ça. L'éther. Ouais, c'est ça. Arrête, on va avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Vous êtes perméable. Il y a l'absinthe aussi. Vous êtes perméable à ça. À l'éther. À l'éther. Non. Ils sont pénibles. Non mais attendez, moi j'utilise les terres à des fins ménagères pour le ménage. C'est très pratique pour décoller les étiquettes. Voilà. D'accord. Mais la perméabilité entre le rôle et... Non, tout à fait. Il y a une phrase de Lars von Trier que j'aime beaucoup qui dit un film, donc on peut dire un rôle, doit forcément laisser... C'est comme un caillou dans une chaussure et ça doit forcément laisser une marque, voire une blessure. Et je trouve que c'est assez vrai. En 2012, Gaspard Huyel, écoutez... Camille Saint-Saëns. Rondo et Capricioso, ouais, j'adore ce morceau. Non mais c'était plus de manière plus large pour dire qu'après je suis finalement arrivé à la musique classique. Voilà, vous avez tout mon parcours musical depuis ma jeunesse. C'était un rêve de gosse que d'un jour faire du piano. Et quand j'ai emménagé dans un appartement suffisamment grand, je me suis acheté un piano. Je m'y suis mis de façon très assidue pendant un court instant. Et puis évidemment... Je me suis fait rattraper par d'autres choses et aujourd'hui je joue un peu moins. Mais du coup, voilà, je me suis mis à écouter beaucoup plus de classiques et aujourd'hui ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'aimerais qu'on parle de théâtre parce que ça a été une année de théâtre, 2012. Vous décrivez le sentiment particulier d'être sur les planches, d'avoir ce lourd rideau de velours rouge qui se lève tous les soirs. Il y a un parfum particulier quand on est au théâtre. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un moment vraiment magique. Juste avant que le rideau se lève, on est là et on sent le public à travers le rideau. C'est assez particulier. Mais je dirais on sent les murmures des vibrations. Voilà, on sent déjà la salle, ouais. On sait à peu près comment ça va se passer. Et vous avez peur ? Bien sûr, mais je pense que c'est ce qu'on recherche sur scène, qu'on n'a pas forcément sur un plateau, c'est ce goût de l'adrénaline et ce rapport surtout immédiat avec le public. C'est ça qui est incroyable et très gratifiant. Après, moi, ce qui me perturbe à chaque fois, puisque je suis quand même assez néophyte au théâtre, j'ai pas vraiment une formation classique, c'est... Vous avez croisé Michel Faux, à mon avis, ça doit... Ça oui, oui, mais il y a ce rapport au corps qui est très différent. Ça, c'est un caillou dans les chaussures. Ça marque. C'est un tel génie, ce mec. Ouais. Et puis, Alifonso Bo aussi. Bien sûr, bien sûr. Pour Démon. Mais oui, non, c'est très différent de l'approche qu'on peut avoir sur un plateau. C'est deux choses très, très séparées, je trouve. On a demandé, puisque nous parlons de danse et de la danseuse, en l'occurrence ce film qui sort mercredi prochain, le 28, on a demandé à Pierre-Emmanuel Sorigné, merci de venir à ce micro, Pierre-Emmanuel. Vous signez, Danser, c'est dans la collection La Découverte, poche, l'enquête dans les coulisses d'une vocation, c'est-à-dire que vous analysez tout le cursus qu'il y a de la manière dont on peut apprendre la danse jusqu'à passer des auditions, et d'ailleurs, il y a des auditions aussi dans le film, on peut vraiment faire un parallèle entre le film et votre livre, la concurrence qu'il peut y avoir entre certaines danseuses ou danseurs, le regard aussi un peu à la Billie Eilish, genre la danse c'est pour les PD, donc moi j'y vais pas, les garçons. C'est ce que vous me pas. Disiez hors antenne tout à l'heure. C'est en tout cas un chapitre qu'il y a dans votre livre et vous l'écrivez. L'opposition danse classique, danse contemporaine, avec une forme de mépris parfois pour une forme plutôt que pour une autre. Alors la première question qui me vient, c'est un peu celle qui dévore aussi l'œil fuller dans le film, cette fermière, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'on devient danseur ou danseuse ? C'est une vocation, c'est un mode d'expression ? Alors, le terme de vocation, c'est un terme sociologique, on parle beaucoup de sociologie de la vocation, et en fait, j'ai trouvé vraiment le film intéressant parce qu'il met en scène deux types de figures d'artistes et deux types d'engagement vocationnel, de façon de vivre son art. Alors, on a d'un côté Loïc Fuller et de l'autre côté Isadora Duncan. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les deux, on sent bien qu'elles viennent de milieux un peu différents, de milieux sociaux un petit peu différents. On voit Loïc Fuller, on sent qu'elle vient... C'est quoi, la fermière et la bourgeoise ? Ouais, il y a un petit côté, bourgeoise et classée. Isadora Duncan, elle est fille de banquière, banquier qui... son père est banquier et se casse la figure avec la crise. La crise. Et de l'autre côté, Loïc Fuller, en effet, est fille de fermier, mais son père tient une pension de famille. Et en fait, son père est surtout aussi un bon danseur. Donc, dans les deux cas, et sa mère, Isadora Duncan, est pianiste. Donc dans les deux cas, quand même, il y a du capital culturel, ça vient pas de rien. D'accord, donc l'éducation y est pour beaucoup. L'éducation, les premières... Le milieu dans lequel on grandit. On grandit dans un espace social, une famille, et c'est aussi un espace des possibles. Donc c'est pas spécialement un rêve d'enfant, c'est plutôt les parents qui mettent, entre guillemets, les enfants à la danse, Les deux démarrent très tôt. C'est plutôt un choix des parents. Les deux démarrent très tôt sur le plateau. Alors on est aux États-Unis, on n'est pas en Europe, mais les deux démarrent très tôt sur des plateaux, de théâtre. Et ce que je trouve très intéressant dans Loïc Fuller, c'est qu'elle a une figure, besogneuse. Il y a une dimension, elle travaille. Elle se muscle, il y a des machines. On la voit au travail, donc on voit aussi toute la dimension... Elle souffre ? Elle souffre, toute la dimension dans la vocation artistique, vous savez, le truc de dire « je souffre, c'est dur, je joue ma peau », etc., qu'on retrouve dans tous les espaces de mise en scène, de spectacle. Non, mais c'est un petit parallèle qu'on peut faire aussi avec Black Swan, c'est quand on voit la souffrance physique pour son art. Il y a une espèce de destruction pour se dépasser. Complètement. Et en même temps, on voit bien qu'elle est toujours en doute. Qu'elle est jamais et qu'elle est, je dirais, condamnée à innover. D'une certaine façon, elle est tout le temps en train d'essayer. Alors, il faut quand même. Elle est incroyable, cette femme. D'abord, c'est on pourrait dire, c'est une féministe en acte. Clairement. Elle est lesbienne à un moment donné, surtout du milieu d'où elle vient, c'est quand même une conquête, au niveau aussi de la sexualité. Une conquête par corps. On sait qu'elle n'était pas, qu'elle n'avait pas un corps. Ajustée à la représentation de la danse, comme peut l'être Isadora. Elle a un problème aussi avec le regard des autres, puisqu'elle ne veut pas aller au cocktail, elle ne veut pas rencontrer le public, rencontrer les journalistes. Il y a un problème. Et alors, pour enchaîner sur le regard des autres avec Billie Eilish, est-ce que ça existe encore, le côté t'es un garçon, tu ne feras pas de danse ? Ou est-ce que c'est vraiment un discours qui date ? Si vous êtes en milieu populaire, oui. Oui, ça dépend. Je veux dire, ça dépend de quelle position on parle. Vous êtes d'origine maghrébine, d'origine populaire. J'en ai dans mes enquêtés, avec qui j'ai dansé. Et je peux vous dire que dans leur famille, parfois... Ça dépend quel genre de danse aussi. Dans... c'est du hip-hop. Si c'est du hip-hop, c'est plus, c'est plus samba. Acceptable. Jusqu'à samba, voilà. Ça va, quoi. Au-delà voilà. De samba... Non, non, si problème. C'est du hip-hop, pourquoi ? Parce qu'il y a les dimensions virilistes, de virilité, d'expression, de virtuosité physique, qui permet de contrebalancer... voilà. Mais vous êtes dans la danse contemporaine. J'ai oublié de préciser que vous êtes danseur classique. Et sociologue. Oui. C'est pour ça que vous êtes... Et donc, j'ai fait une ethnographie voilà. Du métier. C'est ça. Ouais. Et puis, il y a la moi, j'aimerais comprendre pourquoi cette destruction de soi, cette souffrance physique que l'on ressent encore une fois dans la danseuse où elle s'esquinte les yeux, elle s'esquinte le corps, vous prenez des bains extrêmement chauds, enfin Loï Fuller prend des bains extrêmement chauds. Moi j'ai fait la même chose vu que je m'entraînais 7 heures par jour pendant les 2 mois qui précédaient le tournage, donc mon ostéopathe devient mon meilleur ami et la personne qui me sauve la vie. C'est fou, ouais. Donc je fais des et la glace. La glace, non, je faisais surtout des compresses chaudes, mais je prenais des bains tous les jours à l'aspirine. Donc, des bains à l'aspirine ouais, ah oui. Pour détendre les muscles. Ouais, non. C'est fou. Non, mais c'est en fait. Et si par malheur, je ne m'entraînais pas une journée, le jour d'après, c'est là où on sent qu'on ne s'est pas entraîné et que c'est un truc vraiment quotidien et un entraînement de dingue. Alors, quand on est danseur, en fait, c'est que sinon, ouais. Je ne pouvais même pas mettre ma culotte toute seule. Quoi. J'avais tellement de courbatures, j'avais des bleus partout. Non, moi, je me suis demandé, un danseur aujourd'hui à très haut niveau, en fait, il souffre en permanence ouais. Physiquement. C'est une souffrance qui... Non en vieillissant, oui. Enfin, en tout cas, Caroline Carson, à ce micro, nous expliquait... C'est ça. Il y a le rapport au corps. Au quotidien, ouais. Où vous repoussez, je dirais, le niveau... Le seuil de douleur. Le seuil de douleur, ouais. Voilà. Ouais. Comme quand tu bosses avec Nagui, quoi. C'est ça. Vous... repoussez le seuil de douleur et de tolérance. Cette enquête dans les coulisses d'une vocation est absolument passionnante. Elle va intéresser aussi bien, d'ailleurs, ceux qui rêvent ou qui sont danseurs que tous les parents. Parce que ça donne aussi à réfléchir. À se dire, est-ce que oui ou non, j'inscris mes enfants à la danse. Mais ça décrypte. Et ça permet... Ça décrypte. C'est une objectivation de qu'est-ce que c'est... devenir danseur, qu'est-ce que c'est que ce métier, qui est un métier hyper compétitif. Et en même temps, il y a aussi toute cette dimension, pourquoi il y a autant de prétendants à ces univers-là, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de s'exprimer par ce biais-là. En tout cas, c'est pas pour l'argent. Et en tout cas, c'est pas pour l'argent. Voilà, c'est ouais. Ça. Pierre, mais ce qui est intéressant, je termine là-dessus, parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est que ça concerne, malgré tout, une fraction de classe. C'est-à-dire que ça concerne essentiellement, je dirais, les métiers artistiques, quand même, aujourd'hui, c'est le pas de côté des enfants des classes moyennes supérieures. Hein, pour pouvoir se permettre... C'est la petite déviation, vous voyez. Et c'est quand même des univers encore extrêmement fermés. Vous avez trouvé La Danseuse, le film, fidèle à ce milieu de la danse. Vous avez le droit de dire tout et son contraire. Hein. Vous êtes totalement libre. J'essaierai de ne pas dire son contraire. Non, c'est tout, oui. Ce que vous voulez. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout sur les figures antithétiques entre Loï Fuller et Isadora Duncan. Vous venez chez Isadora Duncan dans le mythe du génie. Vous voyez, enfin, elle n'a qu'à apparaître. Et Loï Fuller, qui est très innovante, en fait. Hein, elle travaille avec Pierre et Marie Curie, avec Edison. Elle fait de la scénographie avant l'heure. Elle fait de la mise en lumière. Enfin, elle est incroyable. Et Isadora Duncan, elle arrive. Et d'une certaine façon, elle correspond presque au mythe aristocratique du génie. Vous voyez, enfin, souvent on dit il apparaît. Elle liée à l'Antiquité, etc. D'ailleurs, puisqu'elle. Voilà, et d'ailleurs, elle se réfère à l'Antiquité. Tout à fait. Et elle a compris aussi le fonctionnement de la communication. C'est ce que Loï n'a pas compris, en fait, d'une certaine façon, en allant rencontrer les gens, en étant dans une forme de manipulation du charme qui opère très fort. Elle est dans une forme traditionnelle d'expression de ce qu'on appelle l'aisance sociale. Chez Poche, dans la collection Découverte, Pierre-Emmanuel Sorigné, ça s'appelle tout simplement Danser. Mais c'est loin d'être simple, c'est extrêmement. Fourni, étayé et intéressant. Merci d'avoir apporté votre connaissance du sujet. Et on est content de savoir qu'on peut s'appeler Pierre-Emmanuel et être normal. Oui, parce que nous, on a un barré. Ouais, c'est ça qui souffre. Qui souffre. Il existe des... Il en existe. C'est rassurant. Oh, mais il doit y avoir 2-3 marines sympas aussi. Daniel, oui, je vous écoute. L'apprentissage de la danse n'est pas finalement l'école de la vie ? Oh, mais quel délice ! Quelle saveur de génie. Je vous en prie, ça me gêne. Vous êtes perché sur le toit de la félicité, monsieur Guy. Votre question est tout simplement « Mais la meilleure question du monde !» Seul petit bémol, ce n'est pas la bonne question. Non, désolé, mais la bonne question qui doit nous titiller l'esprit aujourd'hui, c'est « L'apprentissage de la danse n'est-il pas plutôt un moyen de fuir la vie ?» Mais oui, absolument, la danse est ce qu'il y a de plus dur, de plus âpre, vous amène irrémédiablement à détester la vie, en vouloir de façon violente et tonitruante à vos parents de vous avoir mis au monde, puis obligé de devenir esclave de cette pratique atroce et humiliante à la fois. La danse vous fait fuir la vie et le bonheur de la vivre. je suis plus à placer pour en parler, monsieur Guy. J'ai pratiqué la danse à un niveau quasi professionnel. Et ce n'est qu'avec l'aide de psychothérapeutes émérites, de médecins brillants et de dealers bien fournis que j'ai pu m'en sortir. J'étais souple comme la chenille qui passe de feuille en feuille. J'étais fort comme le tigre qui terrasse la biquette. Oh. J'étais léger comme le duvet qui virevolte au-dessus de l'édredon. Mais à quel prix, les amis, à quel prix ? J'avais les pieds en forme de savon de Marseille. Je ne voulais plus porter que mon juste au corps, au cas où le vice de la danse prendrait possession de mon corps, de mon esprit tourmenté également. J'en ai parlé avec un de mes amis, victime de la danse, un ami que j'ai fait venir pour témoigner. Bonjour François-François. Salut les amis ! François-François, vous voyez comment la vie ? Pour moi, la vie est devenue un fardeau, alors qu'avant, je la croyais belle, belle, belle. C'était quoi votre vie d'avant ? Ma vie était une piste de danse disco ! À quel moment vous êtes-vous rendu compte que la danse vous pourrissait la vie ? Oh, je m'en suis rendu compte de façon violente. Alors que j'étais en train d'effectuer un petit pas de danse sur Waterloo de Abba, mon genou droit est tombé au sol comme une vieille poire trop mûre. J'ai continué à danser. Catastrophe, ma hanche a explosé. Boum. Avec une hanche en moins et un genou au sol, j'ai perdu beaucoup de mon style. Je me suis fait greffer une hanche en caoutchouc et un genou en latex. Mais ça n'allait pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma hanche et mon genou partaient dans tous les sens. Ça a fini par provoquer un claquage des fesses. Vous considérez que la danse vous a pourri la vie ? Oui, c'est sûr. La danse, c'est de la merde. Merci François-François. Vous voyez, monsieur Guy, ce témoignage poignant confirme ce que je disais. Il faut relativiser. Et prouve une nouvelle fois que vous avez dit N'importe quoi. Merci d'ailleurs. La bande originale, le Guy, sur France Inter. Voici Willy Deville avec Hey Joe. Nos invités sont Soko et Gaspard Ulliel dans la bande originale. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around town. Well alright. C'était Hey Joe de Willy Deville. Vous êtes bien dans la bande originale. Gaspard Ulliel et Soko sont nos invités. Ils sont à l'affiche de La Danseuse qui sortira mercredi prochain, le 28 septembre, aux côtés de Mélanie Thierry, Lily Rose Depp, François Damiens. Et tout ça sous la direction de Stéphanie Di Giusto. Mais c'est son premier film. Soulignons quand même, elle a dû y mettre beaucoup d'elle et c'est très agréable à voir cette histoire vraie de Loy Fuller. Ils sont nos invités jusqu'à midi et demi. Tous les dimanches matins, à 11h sur France Inter, on va déguster François-Régis Gaudry. Il s'appelle Ricardo et c'est une véritable rockstar au Canada. Alors, on va se faire un pudding au chocolat. Oui. Et ça, c'est pas compliqué. Donc, dans la casserole, c'est toi qui fouettes, OK? Oui. Pudding au chocolat, cochon caramélisé, le Québécois Ricardo envoie ses meilleures recettes. Le dimanche matin sur France Inter à 11h. À dimanche. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Juste la fin du monde. Le nouveau film de Xavier Dolan, Grand Prix à Cannes. Et pourquoi avoir peur d'eux au fond ? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Il fermerait les yeux sur les erreurs. Après 12 ans d'absence, un écrivain retrouve sa famille. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Avec Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel, actuellement au cinéma, un film France Inter. Dominique Delaroy, pour les infos, vous êtes bien sur Inter, il est midi. 9 ans de négociations, des rebondissements, des espoirs envolés, des discussions acharnées. Et ce matin, l'Inde a signé le contrat pour l'achat de 36 avions de chasse Rafale du constructeur Dassault. Un contrat de près de 8 milliards d'euros, le plus gros jamais décroché par l'aéronautique militaire française, paraphé ce matin à New Delhi par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et son homologue indien Jean-Yves Le Drian, qui a engrangé sans bruit les succès depuis sa prise de fonction en 2012. Grâce à lui, l'avion de combat qui n'avait jamais trouvé preneur à l'étranger s'est vendu en Égypte et au Qatar. Avant de séduire l'Inde, François Hollande salue la reconnaissance de la qualité de l'industrie aéronautique française. Pour le PDG du groupe Dassault, cette vente va ouvrir la voie à d'autres succès. Nous reviendrons, nous, sur ce succès indien dans le journal de 13h. Encore une histoire de gros sous. Jérôme Kerviel devra-t-il verser la somme faramineuse de 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale? La Cour d'appel de Versailles doit se prononcer aujourd'hui si elle suit le parquet. Ce serait alors une immense victoire pour l'ex-trader. Un vol en millions de données. Yahoo annonce qu'au moins 500 millions de comptes de ses utilisateurs ont été piratés en 2014. Pourquoi cette affaire éclate-t-elle seulement 2 ans après les faits? C'est ce que se demande Nicolas Harapagian, expert en sécurité informatique. Il était l'invité de Fabienne Synthèse ce matin sur France Info. L'alternative qui s'offre à Yahoo, c'est de dire « je suis incompétent, je n'avais pas les outils me permettant de relever et d'identifier une attaque de telle ampleur » ou au contraire, j'ai été menteur en quelque sorte, j'ai dissimulé cette information à mes clients. Il est certain qu'entre l'incompétence et en quelque sorte la malhonnêteté, Yahoo va falloir choisir. Yahoo, on le rappelle, est en situation un peu difficile puisqu'il est en vente actuellement. Ce qui est certain, c'est que ça va altérer les conditions de la négociation. Ah ben, c'était Verizon qui veut le racheter. Le prix, c'était quoi? 4,8 milliards, c'est ça? Voilà, alors manifestement, ce prix va être vu à la baisse. Oui. D'une part, parce que là, manifestement, c'est un élément d'inquiétude. Et il va falloir envisager les pistes judiciaires, c'est-à-dire les actions collectives, les fameuses class actions, ces actions de groupe, les consommateurs, les utilisateurs qui ont pu faire l'objet du piratage. Sauver la sécu, le gouvernement pavoise. Pour la première fois depuis 16 ans, le déficit du régime général sera ramené à 400 millions d'euros, alors qu'il est encore de 3,4 milliards en 2016, annonce la ministre de la Santé, Marisol Touraine, la ministre qui présente aujourd'hui son projet de loi de financement de la Sécu et qui promet, au prix de nouvelles économies drastiques, de ramener le régime général quasiment à l'équilibre en 2017. Et le tabac roulé plus cher. Les taxes vont augmenter de 15%. Le gouvernement souhaite aligner sa fiscalité sur celle des cigarettes. Le tabac roulé, très prisé des jeunes, car moins cher que les cigarettes, et c'est une des voies d'entrée importantes des jeunes dans le tabagisme. Une précision apportée par le ministère du logement quant au reportage diffusé sur notre antenne lors du Grand Angle de 6h20 et dans notre édition de 7h30 ce matin, la réforme des APL, les aides personnalisées au logement, ne concerne pas les titulaires de l'allocation adulte handicapé. Elle concerne uniquement les personnes payant un loyer anormalement élevé, celles ayant un certain niveau de patrimoine ou celles dont le foyer fiscal est assujetti à l'ISF. Elle ne s'applique pas aux personnes âgées dépendantes en maison de retraite ni aux titulaires de l'allocation adulte handicapé, ce que le reportage de ce matin a pu laisser penser. La personne atteinte de trisomie, citée en exemple dans ce reportage, ne bénéficie pas en l'occurrence de l'allocation adulte handicapé, mais elle sera bel et bien concernée par la baisse de ses APL. Le gouvernement précise qu'il veut pérenniser la plus importante aide sociale en France, dont le volume est en augmentation régulière. Il veut la rendre plus pertinente et plus juste socialement en, je cite, modulant ou en supprimant les aides pour une minorité d'allocataires dont le niveau de revenu ou la situation patrimoniale rend moins nécessaire le recours pour la solidarité nationale. Une partie des associations d'aide aux plus démunis ne partage pas le même avis. Ça se complique pour Jean-Marc Morandini. L'animateur va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Il est soupçonné de corruption de mineurs. Deux jeunes hommes l'accusent, l'un de lui avoir fait des propositions sexuelles, notamment par SMS en 2012 et 2013, et l'autre de l'avoir invité à poser nu pour une séance de photos dans le cadre d'un casting. Tous deux étaient mineurs à l'époque des faits. L'animateur vedette, qui a passé 48 heures en garde à vue, fait par ailleurs l'objet d'une enquête distincte sur des soupçons de harcèlement sexuel dans laquelle 5 jeunes comédiens majeurs ont porté plainte. Fin des recherches au large de Hyères, dans le Var. Les autorités maritimes ont perdu tout espoir de retrouver deux jeunes gens. Ils sont tombés cette nuit de leur embarcation qui a été percutée par un autre bateau. 5 personnes se trouvaient alors sur ce Zodiac au mouillage. Tous les samedis matins sur France Inter. Ok. À partir de 10h. Allez. On aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. Drôle d'endroit pour une rencontre. Une actrice française, un réalisateur italien. Dedichiamo a richiesta. Pour 2 films aux antipodes. Poco a mari. Et pourquoi pas, Laurent Delmas. Invité Juliette Binoche pour la ressortie de Mauvais Sang. Et Gianfranco Rosi pour son film Poco a mari, Ours d'or à Berlin. We will send rescue. On aura tout vu, le samedi matin sur France Inter. À partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute. Et en podcast sur franceinter.fr. À demain. France Inter, bientôt midi 6 à 13h, le journal avec Bruno Duvic. Et tout de suite, la bande originale, deuxième partie avec Nagui. Merci Dominique, on vous retrouve toute l'après-midi pour nous informer. Ça sera à 13h évidemment, le retour de l'info sur Inter. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumounedi, Guillermo Guiz, Daniel Morin, bonjour. Albert Algou, bonjour. Richard Lornac au clavier, bonjour. Et nos invités Soko et Gaspard Huguet. Yeah. La danseuse, ce film sort mercredi prochain. Soko y interprète Loy Fuller, une danseuse qui a réellement existé. C'est un peu court d'ailleurs de la présenter comme une danseuse. Elle est plus que ça, non ? Ah oui, elle est beaucoup plus que ça. C'était une des premières femmes à toucher à tout et donc ce qu'on appelle multimédia aujourd'hui, vu qu'elle faisait ses costumes, sa scénographie, qu'elle a... Elle faisait des croquis. Il y a des dessins absolument incroyables dans le film. Je ne sais pas si ce sont les vrais dessins. Ouais, sublime. Les vrais dessins où elle réfléchit, où elle crée la manière dont elle peut danser avec cette monstra de soi. Où elle nomme ses gestes, qui est d'ailleurs un langage qui m'était complètement inconnu et que j'ai dû apprendre avec la chorégraphe qui m'a enseigné cette danse, qui s'appelle Jodie Sperling, qui est venue de New York pour m'entraîner et qui, elle, a passé 15 ans de sa vie à non seulement faire les performances de Loï, mais aussi à faire des conférences sur sa vie. Donc elle m'a énormément nourrie, en plus du scénario qui était déjà incroyablement documenté, parce que Stéphanie, la réalisatrice, a passé 6 ans à l'écrire, elle a fait un travail d'historienne, mais en plus de ça, j'ai eu la chance d'être entourée de la personne au monde qui, j'ai l'impression, connaissait le plus le personnage de Loï. Et Stéphanie n'a pas du tout voulu la filmer comme une danseuse. Elle ne voulait pas faire un autre film de danse. C'était vraiment, elle voulait filmer. Elle voulait la filmer comme une boxeuse et surtout faire le vrai portrait d'un artiste, peu importe que ce soit un danseur ou pas, et filmer la vie extraordinaire de cette femme qui a été complètement oubliée. En fait. Et qui est rongée aussi de l'intérieur par son art. C'est-à-dire qu'elle à un moment, quand on est passionné, on n'a pas le choix. On est obligé de se détruire ? Bah, je ne sais pas, mais pour moi, la passion, ça veut dire l'amour et la souffrance. Attention, c'est à partir de là que ça a basculé. Bah ouais, mais en fait, c'est ça. Quand on met toutes les 100% de sa vie au service de l'art, il y a forcément des obstacles, il y a forcément des hauts et des bas. Et il faut les surmonter. C'est vrai que quand on vit une passion, on ne voit plus la durée du travail, on ne voit plus la douleur, on ne voit plus la souffrance parce qu'on est en permanence drogué par cette passion. Oui, c'est vrai, c'est de l'adrénaline et donc c'est une drogue. Ouais. Gaspard Huyel, donc vous comme êtes à l'affiche de ce film, aux côtés de Mélanie Thierry, François Damiens et Lily Rose Depp. Comment, Gaspard Huyel, vous êtes retrouvé dans ce film, La Danseuse, et en même temps, vous allez être deux fois, sur les écrans, ce qui est un peu paradoxal parce que j'imagine que tout n'a pas été tourné en même temps, les hasards de la sortie, de la distribution. Et Gaspard a sauvé le film, en fait, on peut le dire. Comment ça, j'ai sauvé le film ? Bah, en fait, sans toi, il n'y aurait pas eu de film. Pourquoi ? Au niveau, oui. En phase de financement, c'est vrai que c'était un peu fragile à un moment. Et Il manquait un nom pour que les producteurs apportent des sous ? Je ne sais pas vraiment. C'est... Moi, il manquait Gaspard, hein, surtout. Ouais, dans les producteurs, il y a les frères Dardenne ? Oui. Ça apporte quoi d'être sur un plateau produit par les Dardenne ? Oh, franchement, ça... Rien, ils sont pas non, là. Non, pour l'acteur, ça ne change rien. De la bière ? Pour l'acteur, ça ne change rien. Bon, très bien. Alors, vous, comment vous êtes retrouvé là-dessus, justement ? Le film était. Mais c'est vrai que Stéphanie est venue me chercher un peu. Enfin, très tardivement. Je crois qu'elle avait un autre acteur en tête au départ. Il y a eu un conflit de date, bref. Et donc, j'ai dû me décider très rapidement. Et moi, je dirais. Et effectivement, ce scénario avait énormément de qualité. Déjà, une vraie originalité dans le propos, dans la manière dont c'était raconté. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'était la première rencontre avec Stéphanie où j'ai rencontré une femme qui était un peu à l'image de son personnage, hein, de Loï Fuller, qui était prête à déplacer des montagnes pour faire ce film. Et j'ai retrouvé une fougue, une sorte de voracité créatrice comme ça en elle qui m'a tout de suite donné envie de m'engager sur l'aventure. Voici l'humeur de Daniel Morat. Ah bah dis donc, c'est là, c'est maintenant. Ouais. En France, il existe un endroit où... Tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Wow. Une saga quotidienne avec l'ultra-dominant Patrick Cohen, l'étrange Augustin Trapenard, Nagui, le magnifique, Laetitia Gaillet, la journaliste folle, Mishka Assayas, l'animateur craintif, mais aussi Laurence Bloch, la directrice au comportement excentrique et à la coiffure airbag. Et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin, en apparence. Avec la sortie prochaine du film de Stéphanie Di Giusto, toute la radio est sous l'influence de la danse. Les 7h10, Laurence, la directrice, sillonne les couloirs de la radio en tutu. Elle avance en sautillant comme un cabri sautant dans les bras de tous les gars qu'elle croise. Allez, plus haut, plus haut, plus haut! Enfin, plus haut, c'est à portée, c'est pas une course de sac à patates. Voilà, allez, maintenant tu cours et tu me laisses retomber dans tes bras. Ah non, mais arrête de m'embrasser, c'est gênant. Augustin, arrête! Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon petit trapenard? Vous êtes excité comme un bouc. C'est pas du tout France Inter comme attitude. Pendant ce temps-là, Nagui, qui a été danseur étoile à l'Opéra du Caire, fait quelques étirements à la barre. Il a obligé tout son staff à assister à sa performance. Vous voyez le problème, quand on est trop musclé comme moi, c'est que ça bloque au niveau du périnée. Avant, je faisais ça fastoche, le grand écart facial. Maintenant, je coince, il manque 40 cm pour que je touche le sol. Tiens, lui, rien foutre, file-moi un coup de main, Daniel, appuie sur mes épaules. Vous êtes sûr, monsieur Guy ? Oui, je te dis, vas-y, appuie, n'aie pas peur. J'ai la souplesse du roseau. Comme ça ? Allez, plus fort ! Ok. Ah ! Le départ de Nagui en ambulance ne perturbe heureusement pas Patrick Cohen, qui lui aussi, pris par le démon de la danse, est en pleine chorégraphie. Ah, oui. Patrick, habillé en juste corps jaune et rose, un bandeau bleu dans les cheveux, fait revivre avec brio les années 80 sur du Irène Cara. Ses enchaînements sont à couper le souffle. Ses bonds de félin et sa cambrure de sphinx laissent sans voix tous ceux qui assistent à ce spectacle magique. Pour résumer l'admiration de tous, je reprendrai simplement la réaction spontanée et admirative à la fois d'André Manoukian quand Patrick retombe à califourchon sur les épaules de Rebecca Manzoni et que l'animateur exhibitionniste arménien laisse échapper « Putain, il est fort ce Patrick. Moi je fais ça direct. Je m'éclate une couille. » Pendant ce temps, un homme complexé par la rigidité de son corps et son manque de rythme prend des cours d'expression corporelle avec le père Albert. Cet homme, qui a honte de laisser parler son corps, c'est Mishka Assayas. Pourtant, son passé de gigolo qui faisait sautiller et fantasmer toutes les rombières d'Athènes au son du sertaki devrait lui permettre de lutter contre cette phobie. Laisse-toi aller, Mishka. Laisse ton corps reposer la musique. J'y arrive pas. Oui, mais c'est normal que tu te sentes compressé. Ton jogging est beaucoup trop serré. Desserre l'étreinte et laisse respirer. Laisse. Comme ça ? Oui, c'est bien, Mishka, c'est super. Allez, lâche-toi, mon garçon, lâche-toi. Vas-y, laisse-toi tomber au sol Tu es une pierre, tu pèses 500 kilos. Comme ça? Oui, oui, c'est bien maintenant. Tu es une plume de dindon. Tu flottes dans les vents. Vas-y, Mishka, flotte, flotte, bon Dieu. Ah, oh, c'est bien, je me sens libre. Je allez, me sens léger. Oui, allez, maintenant, tu enlèves toutes tes fringues. Tu es une bactérie, Mishka, un virus. Allez, saute-moi dessus et infecte-moi, Mishka. Saute-moi dessus, saloperie. Saute-moi dessus et bastonne-moi. Humilie-toi. Venge-toi, désingue-moi, le grec. Oh, mon Dieu, que c'est bon. La baie vitrée n'a pas résisté, mais pas de panique. Ni Mishka ni le père Albert ne sont blessés. Heureusement, ils sont tombés sur un groupe d'écoliers venus visiter la maison de la radio. Ouf! Bref, aujourd'hui encore, tout le monde a travaillé dur, mais que c'est bon. Autant de génies dans une seule entreprise. Et pourtant, tout ça, c'est juste une journée ordinaire à France Inter. Merci Daniel Morin et à bientôt. Sur France Inter. Soko et Gaspard Huyel sont venus nous présenter La Danseuse au cinéma mercredi prochain le 28 avec Mélanie Thierry, Lily Rose Depp, François Damiens. Maintenant qu'elle n'est pas là, enfin puisqu'elle n'a jamais d'ailleurs été là, Lily Rose Depp, c'est bizarre, c'est particulier de jouer un film avec quelqu'un qui attire la com justement en termes de papier parce que c'est la fille d'eux. Point de suspension. Moi, c'était ma copine avant qu'on fasse le film ensemble. En fait, on habite tous les deux à Los Angeles. Donc, c'est moi qui ai suggéré à Stéphanie qu'elle fasse le film avec nous. Donc, je ne la connais pas du tout comme ça. Et puis, comme c'est un de ses premiers films qui sortait, on n'avait pas du tout la notion de la com. Ouais. Bah quand même, tu t'imagines bien. On l'a mesuré à Cannes, en fait. Ouais. Oui, mais on ne savait pas pendant le tournage du tout, quoi. Mm-hmm. D'accord, et ça peut faire du bien au film, ce côté un peu people. Pardon de le dire, parce que elle malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement, elle joue extrêmement bien, elle est juste et elle est parfaite dans, et puis, dans oui, le rôle. Oui, c'est ça, elle était surtout super dans le personnage, parce qu'elle a cette aisance et ce charisme inné. Et du coup, que ça fasse du bien au film ou pas, c'est un buzz, tant mieux. J'en sais rien, oui, c'est bien qu'on en parle. Tant mieux, comme ça. Et puis elle le mérite. Il y a des gens qui iront voir le film, même si c'est que pour ça, ils seront agréablement surpris par le film. Vous êtes également à l'affiche de Voir du Pays. Oui. Soko, ça c'est depuis le 7 septembre, de Delphine et Muriel Coulin. Mm-hmm. Vous travaillez sur un troisième album? Je suis en plein dos. Et test, moi, je sais pas. Ok, d'accord, je me tais. On va mettre du Vivaldi, tiens. J'ai commencé à écrire. Ah ok, on l'arrête. Ok, d'accord, j'ai Vivaldi aussi. J'ai commencé à travailler sur mon troisième album, oui, à New York cet été. Qui devra donc voir le jour. Qui devra voir le jour quand ça sera prêt. Pour okay, l'instant, d'accord, je suis en plein processus créatif et j'adore ça et donc je me complais là-dedans. Juste La Fin du Monde, ce film que nous avons adoré de Xavier Dolan avec Léa Seydoux, Marion Cotillard, que nous avons reçu dans cette émission pour en parler. Nathalie Baye qui est juste dinguissime. Vincent Cassel qui est tellement mal dans sa peau et qui a tellement de mal à dire qu'il aime et qu'il en est touchant, bouleversant avec ses yeux humides et une scène où on a l'impression que sur le tournage tout le monde a basculé de voir le jeu de Vincent Cassel et votre jeu, Gaspard, je vous le dis dans le blanc des yeux, est incroyable de retenue, c'est-à-dire pouvoir exprimer autant de choses avec justement un regard. Si peu de texte aussi. Voilà. Peu de texte. Juste un regard, pas une facile. Bouche entrouverte, une respiration, une joue qui tremble de ne pas savoir à quel moment on peut dire. C'était un courant d'air, telle phrase. Non, c'est que j'avais plus d'éther. non, c'est vraiment, vous êtes juste dingue. Mais merci. Mais je pense que c'est vraiment. Plus j'avance dans ce métier, plus je me rends compte à quel point la finalité est vraiment le fruit d'une collaboration avec un cinéaste. Et surtout quand on a affaire à quelqu'un comme Xavier, qui a quand même un dispositif de mise en scène très particulier et qui met vraiment l'acteur au centre de ce dispositif. Après, c'est une direction qui est assez particulière. C'est pas forcément en rentrant dans la psychologie du personnage. C'est-à-dire que ça, pour lui, c'est un acquis. C'est-à-dire que l'acteur doit arriver nourri de tout ça. Et ensuite, lui, il vient à poser quelques touches finales. Pour moi, au final, le personnage, c'est forcément au départ l'imagination, la vision de l'acteur, les idées de l'acteur, et par-dessus vient ensuite s'apposer la vision d'un cinéaste, ses choix de mise en scène, le montage du film, et de là naît vraiment la créature de cinéma. Et c'est vrai que là on est vraiment dans un film avec une mise en scène très visible qui va amplifier, magnifier ce que les acteurs ont donné sur le plateau. Et puis la proximité là avec le réalisateur, elle est d'autant plus forte que c'est un texte de Lagarce, qu'on peut y penser et retrouver un petit peu du Xavier Dolan. N'insulte pas l'auteur quand même. Jean-Luc Lagarce, pardon. Et que l'histoire de Xavier Dolan peut aussi avoir des points communs avec celle de Lagarce dans l'itinéraire. On parle d'homosexualité. Et vous êtes dans le film le personnage qui est le plus proche de Xavier Dolan, comme si c'est un rôle qu'il aurait pu incarner. Oui, lui-même. Oui, il y a une sorte de jeu triangulaire entre Lagarce, Xavier et mon personnage. Après, c'est quelque chose que j'ai laissé un peu flottant volontairement. Je ne suis jamais rentré dans ce genre de discussion, de propos avec Xavier. Il ne vous a pas dit qu'il y avait un double donc, avec vous. Je ne sais pas. Après, peut-être que... Je ne sais pas à quel point il en est conscient, mais je pense que oui, inconsciemment, en tout cas, c'est sûr qu'il se projette dans ce personnage à un moment ou à un autre. Dans les projets, vous avez participé à un film qui s'appelle Neuf Doigts, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je commence le tournage la semaine prochaine. C'est un cinéaste assez méconnu, malheureusement. Voilà, F.J. Hossang, qui a fait 5 ou 6 films, ancien punk, et c'est un cinéma que j'adore, moi, que j'ai découvert en fait au moment où il m'a proposé ce rôle. Et ça ressemble un peu à du cinéma d'avant-garde des années 20. Il y a une vraie abstraction dans les dialogues. C'est pour moi, c'est de la pure poésie. Voilà. C'est de la résistance poétique. Je vous invite à le découvrir. Vous êtes dans le prochain Benoît Jacquot, vous êtes dans le prochain Guillaume Niclou. Tout à fait. On n'a pas le temps de se faire un baby, alors quoi. Vous avez un planning de dingue. On a toujours le temps pour un baby. Ouais, toujours. Très bien, ça sera la phrase de la journée. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Bouladi pour nous inviter. Soko, Gaspard Ulliel, je vous sors un peu de la promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître et mieux connaître vos goûts culturels. On commence par un son pour vous, Soko. De qui s'agit-il, Soko ? Vous nous expliquez ? Il s'agit de Daniel Johnston, que j'adore, qui est mon chouchou, avec qui j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois. Et aussi, j'ai fait le documentaire. J'ai fait sa première partie, oui, et j'ai joué Laurie, en fait. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu son documentaire, ça s'appelle The Devil and Daniel Johnston. Et c'est un des documentaires musicaux qui m'a le plus touchée et que j'ai vu très tôt quand j'ai commencé à faire de la musique. Et je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans ma musique. Et en fait, j'ai eu la chance de jouer le personnage dont il est amoureux toute sa vie, qui s'appelle Laurie, dans un court-métrage dont Lana Del Rey a participé à la musique. Et c'était super. Et il est aussi dans ce court-métrage, donc Et qu'est-ce qui vous plaît chez Daniel Johnston C'est un artiste torturé qui était pris de dementia et qui parle de tout et n'importe quoi de manière très simple, qui faisait toutes ses cassettes et que c'est hyper DIY et que... Je sais pas, c'est juste le personnage entier me touche beaucoup. Maintenant, il est assez vieux et il tremble quand il chante et il lit tous ses textes sur scène. Il a pas beaucoup d'argent, il fait de l'artwork de dingue aussi, il fait des dessins, j'en ai plein. Bref, c'est quelqu'un, tout le personnage est très touchant et ça vaut le coup de regarder le documentaire. À votre tour, Gaspard, avec cet extrait de bande-annonce. Is your name Hannibal Lecter? Yes. C'est un extrait de la bande-annonce Hannibal Lecter, Les origines du mal, réalisé par Peter Weber. Et vous avez raconté dans un entretien à Libération comment se déroulait une promotion à l'américaine. Et ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Oui, je fais cette expression des années 90. Tu vas dire bien mon expression. Ouais. Moi, je trouve ça un peu osé quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est limite. Cette tournée mondiale en jet privé avec une équipe, qu'est-ce qu'on en pense quelques années après? Comment on la revoit? Ça fait pas de bien la couche aux autres. Déjà. Non, mais que c'est un vrai métier à part entière. Enfin, pour eux, en tout cas, oui, il y a un professionnalisme indéniable. Qui est assez différent ici. Il y a quelque chose de aussi profondément moins humain. Et oui, ça a été un vrai choc pour moi d'accompagner ce film avec une vraie promo à l'américaine. C'est un kiff aussi, non, j'imagine. Quand on se retrouve... On perd un peu de vue le réel, non? Pour moi, le paroxysme, c'est ça. À un moment, je me suis retrouvé dans une salle enfermée tout seul avec je ne sais pas combien de caméras, une oreillette, et j'étais en direct successivement toutes les à peu près 5 minutes pour des talk shows à travers tous les États-Unis, dans chacun des États, avec des accents forcément très différents de l'un à l'autre. Et on est tout seul face à des caméras avec une oreillette et on entend les présentateurs en live de chacune des... Enfin, on devient une machine, quoi. Non, honnêtement, c'est pas forcément très agréable. Et du coup, la carrière américaine, vous racontiez à l'époque, pour avoir des entretiens à Los Angeles, la ville est tellement grande, on vous voit à peine 3 rendez-vous par jour, et puis les gens vous calculent sans vous calculer. C'est-à-dire que c'est une autre approche, c'est-à-dire que tout est, comme on dit, business oriented, c'est vraiment, il y a un aspect un peu plus mercantile qui est quand même omniprésent. Alors pourquoi, pourquoi ça fait encore rêver, alors, si c'est si pourri? C'est pas pourri, parce qu'il y a quand même des films qui comptent. Puis il y a de la thune à se faire, quand même. Il y a de la thune à se faire, oui. Après, c'est pas forcément ça qui, moi, me motive. Non, c'est l'envie de travailler avec des cinéastes américains qui, forcément, sont très attirants pour les acteurs. Bien qu'aujourd'hui, je trouve que oui, ils ont un peu perdu. Il y a un cinéma indépendant qui reste très intéressant aux États-Unis, mais après, dans un cinéma un peu plus... populaire, y a de moins en moins de films intéressants, je trouve. Et j'en finis par mon conseil culture pour tous les deux. Le premier, c'est un film, The Fits, sur une petite fille qui s'entraîne dans une salle de boxe et qui découvre à l'étage au-dessus qu'il y a des cours de danse. Et c'est une danse assez particulière. C'est le drill. Pour la petite anecdote, ouais. Je crois que dans une interview, Stéphanie a dit qu'elle voulait, Di Giusto voulait filmer justement Loï Fuller comme une boxeuse. Oui. Mais moi, j'ai fait de la boxe aussi. Un de mes premiers films, c'est je jouais le rôle d'une boxeuse. Voilà pourquoi je vous conseille ce documentaire, ce film, pardon, parce que ça a tellement l'air d'un documentaire, tellement c'est proche et réel. C'est The Fits. Et cette petite fille donc va voir qu'il y a une danse. Une variante plus physique du hip-hop, c'est The Drill. Elle va s'engager là-dedans. C'est un film qui a été présenté en compétition à Deauville. La réalisatrice, c'est Anna Rose Holmer. C'est son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Elle est toute jeune, elle a 28 ans. Et puis, ça permet de découvrir ce sous-genre musical du hip-hop. Donc, c'est en salle à partir de janvier. Et puis, j'ai d'autres cadeaux. Gaspard, vous parlez beaucoup de photos. Vous racontez que vous preniez beaucoup de photos quand vous étiez plus jeune. Donc, je vais vous offrir une revue. C'est la revue Polka, la référence en photo, avec un dossier sur Stanley Green, un photographe qui a fait partie des Black Panthers, dont le travail est assez étonnant. Je sais que vous aimez Robert Frank, Sol Leiter, mais c'en est pas... Sol Leiter, ça revient, ouais. Et puis, parce que je ne veux pas que Soko reparte les mains vides, bien sûr, je vais vous offrir le dernier livre de Yasmina Reza, Babylone. C'est en lien avec la photographie aussi parce que tout part d'une photo qu'elle a retrouvée. De Robert Frank. Qui lui a donné envie d'écrire ce texte. Je vous en trouverai un exemplaire Gaspard, pour pas que vous soyez jaloux. Voilà, ça c'est pour vous. Merci Soko beaucoup. Et c'est aux éditions Flammarion pour le Babylone de Yasmina Reza et Polka. Cette revue indépassable en matière de photographie. Voici les excuses de Daniel Morin. Désolé pour les fans du maréchal Ganache qui, une fois de plus, se sont effondrés en entendant l'ouverture d'esprit de cet ancien héros français, icône des admirateurs de la torture et d'une France blanche et pure. Désolé pour tous les cotons-tiges qui, sur les conseils avisés de Guillermo, vont finir dans des urètres. Courage, les gars, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Désolé pour tous les parents d'ados qui vont voir arriver leur progéniture leur demandant de l'éther sur les conseils de monsieur Gaspard. Non, bravo, ouais, Vive le cinéma. Et pour un papa, en plus, c'est moche, hein, donné sur l'autre conseil. Très, très moche. Merci mille fois, Soko et Gaspard Ulliel, d'avoir été nos invités. Et bravo encore pour La Danseuse, ce film que vous avez fait ensemble. Et je redis bravo aussi pour juste La Fin du Monde. Mercredi prochain, donc le 28 septembre, ça sera La Danseuse qui sera au cinéma. Et toute l'équipe dit un gros merde à Leïla Kaddour-Boudadi pour son premier 20h sur France 2 tout à l'heure. Voilà. Bonne journée. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bon week-end. Merci la bande. À lundi. La vraie question, c'est de poser la bonne question. À votre avis, ce qui est en train de se passer, mais est-ce que ça change la donne ? Pour obtenir des réponses... On est bien obligé de débattre. Quitte à répéter la question. Vous n'avez pas de doute là-dessus ? J'allais poser la question. Ben oui. Caroline Roux et Bruce Toussaint ont des questions pour leurs experts. C'est dans l'air, du lundi au samedi, en direct à 17h45, sur France 5. Dimanche 25 septembre, Radio France fête le sport. Venez en famille découvrir de nombreuses animations sportives à la Maison de la Radio à Paris. Badminton, escrime, boxe, escalade et de nombreuses autres surprises. Et pour les plus courageux, participez à une expérience inédite et solidaire, la course Vertigo jusqu'au 22e et dernier étage de la Tour Centrale avec à l'arrivée une vue panoramique exceptionnelle sur Paris. Vertigo, dimanche 25 septembre, courez, boxez, grimpez et jouez à la Maison de la Radio. Renseignements et inscriptions, radiofrance.fr. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Ultime séquence en Gironde. Et nous commençons par une belle invention pour les inventeurs. Pardon pour la redondance, mais c'est certainement le meilleur moyen pour vous présenter le bien fondé de Transtech, la brigade des inventifs. Cette association, née en 1984 sous l'impulsion d'un inventeur, d'un designer et d'un avocat, est un tremplin pour tous les inventeurs et innovateurs en France. Chaque année, des dizaines d'inventions se trouvent bloquées par le manque de soutien, le manque de conseils, d'évaluation, avant même d'atteindre le sésame du brevet. Transtech et ses 7 salariés accueillent chaque année une centaine de projets. Certains sont conservés, développés, brevetés et vendus à des entreprises. Stéphane Beauchat, directeur de l'association et de la Brigade des Inventifs, est le premier invité de ces carnets. Il s'exprime également dans les pages numériques de la vie grâce à notre confrère Laurent Jibowski. Et puis ensuite, nous découvrirons un réseau hélas trop discret malgré ses 52 ans de service. C'est le Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques. L'antenne en Aquitaine fut fondée en 1977 et elle a fait le choix de mobiliser davantage les partenaires sociaux et les partenaires institutionnels. Laurence Roy témoignera de cette dynamique dans le second volet de